Bien propre. Tu sais, tu fais tomber des trucs, tu peux encore nettoyer, tu sais. La sciure, ah, la sciure dans le... Non, non. Dans celui qui est dans le... Non, parce que là, c'est pas vraiment...